On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mette tout à fond, que je vous fais chier, que c'est vous merde. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Rock and roll. I'm the gun, I think you know. Yo! On the road. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs, ou presque, hein, parce que j'ai pris quelques vacances quand même. Je me suis reposé, moi, Monsieur Dufault. Je suis avec quelqu'un qui est un habitué de ce micro pour nous présenter la programmation de l'Astrolabe pour ce printemps. Et puis on va déborder un petit peu après, on va causer un petit peu de ce qui va venir derrière. Voilà, je suis ravi de vous retrouver sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur onzerox.net, en rediffusion, sur Studio Zef à Blois. Vous avez l'habitude de tout ça, après deux semaines d'absence dans The Rocks, voilà, c'est le retour, je suis là. Et nous allons commencer par un hommage, puisqu'il y a un concert, si tu le veux bien, on va commencer par ça, Mathieu. Bonsoir déjà, je t'ai entendu. Bonsoir. Oui, ah, c'est bien, il est là. On va commencer par un hommage, puisqu'il y avait un concert qui a été moult fois reporté, annulé, reporté, pour raison de santé, on en parlait la dernière fois ici, et qui n'aura pas lieu, ouais. Au grand malheureusement. C'est le concert d'Arnaud. Ouais. Puisque Arnaud vient de casser sa pipe avec beaucoup d'émotion chez beaucoup de gens. Ça, c'est quelqu'un, je crois, qui était... admiré et respecté par beaucoup de gens. Si tu avais un souvenir, toi, parce que tu l'as programmé, j'ai eu la chance de faire une interview, on va entendre quelques mots d'Arnaud tout à l'heure, tout de suite après ton intervention. Est-ce que tu as un souvenir d'Arnaud ou quelque chose que tu aimerais dire? Moi, c'est le souvenir que j'ai, c'est la première fois où je l'ai vu en concert à la salle des fêtes de Sahan. C'était au 20e siècle, je crois. Et j'avais déjà, je découvrais cet artiste. Un ami m'avait fait découvrir toutes ses précédentes compositions avant les années 95, donc il était déjà avec les Décématiques, il avait déjà fait plein d'autres trucs, et on avait bossé pour une interview ensemble, en fait, donc qui devait être diffusée dans l'oreille, un journal musical, ouais, culturel, qui était diffusé gratuitement à Orléans et sur la région. J'ai connu. Ouais, c'est ça. Et on avait bien bossé parce qu'on savait qu'il y avait quand même un homme avec un caractère, et puis voilà, mais au bon sens du terme. Mais puis au final, on n'a pas pu faire cette interview pour des raisons pas de starlette, mais voilà, pour des raisons de production, machin, c'était pas faisable. Mais voilà, ça c'est un plus grand moment, parce que c'est un moment aussi qui m'a marqué musicalement, qui m'a marqué humainement. J'avais écouté un peu son répertoire avec Benoît Matrillon, qui est un graphiste par ailleurs et qui a une culture musicale, donc chez qui je suis allé pendant pas mal d'années piquer des vinyles et des CD, et puis me ressourcer musicalement. Et donc voilà, ça c'était le premier souvenir. Et puis après, il y a tous les souvenirs impérissables des deux concerts à l'Astro, et puis les autres concerts que j'ai vus à Orléans, mais qui n'étaient pas organisés par nous, parce que dès qu'ils passaient dans le coin, je loupais pas une miette de sa musique, voire plus à certains moments où j'allais même le voir en dehors d'Orléans. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance, grâce à toi, un peu de faire cette interview à l'Astrolabe lors de son dernier passage, si je ne m'abuse. Et c'était un grand moment. Alors, il y a eu une toute petite coquetterie. C'était à l'époque où on filmait beaucoup les interviews pour Astro TV. Et donc, c'était Ben à l'époque. Et donc, il y a eu une petite coquetterie. Arnaud avait juste demandé à ce qu'il ne soit pas filmé. Il ne voulait pas être filmé. Et après, pendant toute l'interview, ça a été un véritable régal d'un homme d'une drôlerie et d'une gentillesse et à la fois d'une profondeur vraiment réjouissante qui n'était pas, vous allez en juger sur pièce là, avec quelques petits extraits, qui n'était pas avare de confidences et qui m'a d'ailleurs confié, c'est pas ce qu'on va écouter maintenant, mais que lorsqu'il n'était pas en concert, sa vie était en danger puisqu'il traînait dans les bars et qu'il était, c'était vraiment pas très bien, donc il fallait vraiment qu'il soit en concert. Et je pense que tu seras d'accord avec moi que le qualificatif de bête de scène est un peu galvaudé, mais alors en ce qui concerne Arnaud, on se demandait où il allait chercher quand même toute cette énergie. Il faisait pas semblant, quoi. Non, il faisait pas semblant. Il a jusqu'à sa maladie, il a toujours été à 150% sur ses concerts, investi avec des mimiques qui étaient propres à lui, mais qui étaient propres à un bonhomme qui vivait ses concerts à 150%. Effectivement, bah, comme tu le dis si bien, bah, il aimait bien vivre, et donc il passait, il le disait encore pas plus tard que chez d'autres. D'autres personnes qui travaillent dans des radios, notamment Rebecca Manzoni, avec qui il s'est entretenu il n'y a pas très longtemps. Ouais. Où elle, très complice, les deux là. Ouais, je pense qu'elle a dû se déplacer pour la dernière interview. Et il parlait encore de ça, donc c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Hein. C'était un équilibre aussi, un peu, je pense, pour son. Et puis, il faisait énormément de musique, c'est-à-dire que même quand il n'était pas sur scène, il écrivait, il avait son petit carnet en permanence. Où il notait encore il y a je sais pas 3-4 mois ou 5 mois, il était encore sur un projet de nouvel album, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, qui va sortir de façon posthume, d'ailleurs. Ouais, et donc je pense qu'il est allé jusqu'au bout, il s'est battu jusqu'au bout. Tu le sens, le bonhomme, qui même s'il s'avait condamné, puis il a sorti son album avec Sofiane Pamar, qui est un album solo, qui retrace un peu ses morceaux. On va se passer un extrait, ouais. Ouais. Un bonhomme attachant, qui était entouré de fidèles compagnons aussi, musiciens, et qui l'ont accompagné pendant plus d'une vingtaine d'années pour certains. Des gens qu'on a revus plusieurs fois sur scène, voilà, il était un peu fidèle aussi dans la mesure du. Voilà, à son. Et puis on était fidèle. Tu l'étais, toi, et on était fidèle aussi à Arnaud. Ouais, ouais, ouais. Malgré tous les chemins de traverse qu'il a pris, parce qu'on a l'image un peu de cette voix éraillée, des paroles un petit peu surréalistes à la belge, ouais, avec cette voix. C'est ce qui faisait son charme. Hein. C'est ce qui faisait son charme fou, mais il a fait plein d'autres choses. Il a commencé en étant cuistot de Marvin Gaye, quand même. Ouais. C'était son premier métier. Il était cuisinier de Marvin Gaye. Et donc, il vient du blues. Arnaud, il vient vraiment du blues. Il a commencé par ça, en chantant le blues. Et puis, il est allé avec Dubrovniks, tu disais, Tissématiques, et tout ça. Il est passé par plein de chemins très réjouissants, plein de reprises assez formidables. Et puis, ses textes, effectivement, ses textes incroyables. À la fois, on sourit, on est ému. Je te propose qu'on écoute sa voix. Alors, donc, c'est tiré de l'interview réalisée chez toi, hein. Alors, pas dans ton salon, mais dans les loges de l'Astro. Tous les deux dans mon salon. Ça aurait été bien sympa. Ouais. Écoutez, alors, j'ai mis derrière un petit morceau de Sofiane Pamar en fond musical, puisque c'est avec lui, effectivement, tu le disais, qu'il a livré son dernier album de son vivant, qui s'appelait Vivre, d'ailleurs. Et ses derniers concerts qu'il a quand même pu faire ces derniers mois, il y avait marqué Vivant en rouge au-dessus de la scène. Voilà, ça doit faire drôle aux gars qui démontent la scène et qui ont rangé les panneaux vivants. Un petit morceau de Sofiane Pamar qui s'appelle Borealis en fond musical, et puis juste après ce Lonesome Zorro, morceau d'Arnaud revu et corrigé avec Sofiane Pamar au piano. C'était il y a quelques temps, quelques lunes de cela. L'interview est disponible en long, en large et en travers sur le site ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale, où vous pouvez retrouver toutes les archives d'interview d'On The Rocks. Voici donc notre petit, je dis notre, hein, je me permets, mon cher Mathieu, notre petit hommage à Arnaud, qui va bien nous manquer. Il parle de ses 18 ans. Et en disant, c'était avant Coca Zero, avant Coca Light et avant le Euro. J'ai tout oublié. Tu vois le bazar. Ouais. Mais c'était une autre époque aussi, c'est dans les années 60, quoi. Et tout était possible. C'était pas de crise. Il n'y a pas de crise, pas de crise. The sky was the limit. Et maintenant, je pense à des jeunes comme ça, ça devait être très difficile pour eux maintenant. Parce que moi, j'ai vécu avec mon cul dans le beurre. Et tout est possible, quoi. Mais pour eux, c'est un autre bazar, quoi. Tu sais, quand j'étais 18 ans, quelqu'un de 25 ans, c'est un vieux schnook. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la guerre. Il n'était pas habillé comme moi, il n'écoute pas la même musique que moi. Donc on a passé la première fois dans les années 60 que les jeunes, ils ont inventé un nouveau bazar, quoi. Enfin, donc il y a du rock music et c'était une révolte contre la société. Mais c'est très bizarre, la société était plus sage dans le temps qu'aujourd'hui. Et maintenant, on a plus que besoin d'une révolte que dans le temps. Mais quand j'étais 18 ans, j'ai dit, je ne veux pas travailler. Mais quand je suis grand, Et donc, et j'ai jamais travaillé, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait de la musique, quoi. Et pour moi, c'est pas du boulot, je m'amuse avec ça. Mais comme j'ai dit, j'ai eu de la chance. Et malgré toutes les heures de concert que tu enchaînes, t'as toujours l'impression d'être le cul dans le beurre, toujours. Oui, mais j'ai besoin, ça, tu sais, il y a des gens qui font du jogging quand ils sont libres. Mais moi, j'ai pas besoin, je suis sur une scène 2 heures et ça, c'est mon sport aussi. Ou les gens, quand ils sont des jours de congé, font du sport et moi, je suis toujours en congé, tu vois. Et j'aime ça, faire de la musique, c'est mon thérapie de tout. Quand j'ai fait pas de la musique, j'étais dans la psychiatrie, peut-être. Ou dans une prison, je sais pas moi. Donc la musique, elle m'a jamais trompé. C'est une maîtresse qui m'a jamais trompé, quoi. Et moi, elle non plus. Elle est toujours avec moi et je suis toujours avec elle. The focus on the rocks. Yeah. Vous êtes dans The Rocks comme tous les lundis soirs, ou presque, avec Mathieu Dufaux ce soir. Émouvant de réécouter la voix d'Arnaud, n'est-il pas? Ouais. Et voilà, vous êtes, j'espère, le cul dans le beurre, vous aussi, à l'écoute de cette émission. Il a toujours c'est le bazar. Ça, c'est un truc qu'on retrouvait pas mal sur ses interviews. Puis c'est marrant parce que ton interview, elle est assez touchante, telle qu'il énonce ses comparaisons, ses images, tu vois. On retrouve des thèmes récurrents, même si les personnes sont pas les mêmes intervieweurs, voilà. Mais il a des choses dont il parle assez régulièrement sur les interviews. Quand je vois celle de Rebecca Manzoni, là, il y a des thématiques communes où il parle d'anecdotes, mais ça c'est touchant. C'est ça. Ouais, ça c'est touchant. Mais puis il a envie de. Tu pourrais passer des heures avec ce bonhomme. Ouais, l'interview était un peu courte. Je t'avoue que l'interview était un peu courte et même lui il avait plein de trucs à dire. Et puis quelqu'un qui se met à nu à la fois sur scène dans ses textes et dans ses propos effectivement dans les interviews. Tu parlais de Rebecca Manzoni. Allez écouter ses émissions Pop & Co. Il y a souvent des trucs très très bien. Des belles interviews. Pour moi c'est une des très très grandes de la radio depuis pas mal d'années, très bonne intervieweuse. Dès qu'elle faisait les chroniques le matin, elle était déjà, c'est une super pro. Ouais. C'est une grande. Ouais. Et puis là, encore un hommage. Alors c'est pas très gai pour démarrer l'émission, mais j'espère qu'ensuite on va avoir des chanteurs vivants. Je sais pas si tu as reconnu ça, c'est les Saints. Groupe australien qui est sorti, alors qu'ils sont pas nés au bon endroit parce qu'ils ont été un peu snobés par tous les Anglais au moment du punk, mais ils avaient vraiment l'attitude, la voix, ils avaient pas le look, mais leur chanteur Chris Bailey était un chanteur absolument fantastique qui a, alors plongez-vous dans la discographie des Saints, un morceau qu'on vient de se diffuser qui était tiré du deuxième album 1978 Know Your Products, qui à l'époque arrivait à faire ça, c'est-à-dire une énergie à la Stooges avec des cuivres derrière à la Stax. Et ça, c'est quand même assez, pour les mélanger, il faut y aller. Et eux, ils y arrivaient très bien. Une voix extraordinaire. Après le split des Saints, il a fait une carrière solo qui est tout à fait intéressante aussi, avec une voix qui allait vers le crooner un peu à la, comme son compatriote Nick Cave. C'est-à-dire qu'il est allé de l'énergie jusqu'à un peu à crooner. Et si vous voulez avoir plutôt l'aspect crooner de Chris Bailey, qui nous a quittés il y a 15 jours, je vous conseille l'album de 2011 qui s'appelle Strangers, qu'il a réalisé, co-écrit et co-interprété avec Ash Burns, les Français. Et c'est un album magnifique, de la pochette jusqu'à tous les morceaux qui sont à l'intérieur sont absolument fabuleux. Donc Chris Bailey, un peu un grand méconnu et qui aurait mérité d'avoir une reconnaissance un peu plus large que celle qui fut la sienne. Voilà, donc c'était The Saints avec Know Your Products. On va passer maintenant à ce qui va se passer à l'Astrolabe dans les mois et les semaines à venir, et le 28 avril. Prochain, donc c'est quasiment demain presque. Ouais, c'est jeudi, ouais. On va se faire du bien avec du Maloya. Ouais, du Maloya, ça nous arrive d'en accueillir. David Sicard, il avait déjà foulé la scène de l'Astrolabe et de l'Astroclub en l'occurrence, et puis là il revient avec un nouvel album plutôt bien foutu. Il alterne des paroles en français puis des paroles en Maloya. Quelqu'un qu'on suit parce qu'on a eu l'occasion avec quelqu'un qui a défendu cette couleur-là et qui était aussi le programmateur de Sakifo Festival, qui est un festival qui a lieu à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion. Et on a pu, nous, au-delà de le Sakifo, faut faire venir du monde, donc ils n'ont pas la liberté de faire que des trucs indépendants. Mais par ailleurs, en amont de ça, ils ont le Yoma, et qui est un espèce de marché de cette zone géographique qui réunit l'Inde, qui réunit une partie de la Chine, et avec la mise en valeur du patrimoine musical à la fois de la Réunion, de Maga, et puis d'autres îles aux alentours. Et parmi lesquelles, il y en a beaucoup. C'est difficile de sortir de cette zone insulaire si tu t'appelles pas Daniel Warreau, et puis si t'as, voilà. Et même Daniel Warreau, il n'est pas sorti tout de suite, en fait. Ouais, il a mis le temps, ouais. Et David Sicard, il fait partie des gens qui ont bourlingué en France métropolitaine assez régulièrement. Donc on est un peu le relais de ce genre de musique à l'Astro, qui plus est, qui sort du Maloya stricto sensu, tel qu'il peut être exercé par Daniel Warreau. Il apporte sa patte, il apporte ses arrangements à lui, donc c'est une autre manière de présenter ce courant-là, mais qui est fait pour être redynamisé, avalé, digéré par des générations et des générations. Hein. C'est comme le reggae, c'est comme d'autres, comme le blues dont tu parlais tout à l'heure, chacun le joue à sa façon. Et voilà. Et en première partie, c'est Auriello, qui est une jeune chanteuse française qui Orléanaise, ouais. moi que je dont j'entends parler depuis pas mal de temps, que j'ai vu une fois, mais il y a quelques temps, et c'est l'occasion de l'associer. Alors, soit avec Majnoun, parce qu'ils ont un duo ensemble, mais Majnoun, il fait pas mal de choses en plus de la chanson. Il est comédien maintenant, et donc il tourne un peu partout en France, donc tant mieux pour lui. Et là, elle viendra avec une autre chanteuse, donc qui fera les chœurs, et elle sera avec sa guitare-voix, donc surprise du répertoire. Mais c'est sa première venue à l'Astrolabe en tant qu'Auriello. Welcome. Welcome back. David Sicard, c'est maintenant Maloya Kabosé, c'est un de ses derniers morceaux. Ouais. Et puis si tu en acceptes le concept, alors si tu l'acceptes pas, je suis embêté parce que j'ai déjà enchaîné mes morceaux. C'est que pour chaque morceau dont on va parler de l'Astrolabe, je vais enchaîner avec un petit morceau qui est une nouveauté, qui a une petite résonance lointaine ou proche avec ce que tu nous proposes. Super. C'est parti. Ah, c'est parti. Si je monte le potard. Alors, c'est jeudi soir. Hein. C'est jeudi soir à l'Astrolabe, dans le club ou dans la grande salle? Dans le club. Dans le club. Et bien, c'est parti, David Sicard. Te lo di la mia maya, te lo ni bugate. Te lo vi di uve maya, te lo vi Ça t'est à où la zèle, Hallelujah. Kekutik zaitizot kuklamen alitron po Alemaluia kapuzi Zangirada nulue Lau zantizo anubie Alemaluia kapuzi Zandita nulutau Mitelia rifelizaba de ces morceaux qui sont très agréables à écouter au casque. Vous avez reconnu le Dounia, évidemment tiré du dernier album de Pierce Faccini, mais dans une version un peu différente. C'est le remix de Léonie Pernet, et franchement, je trouve qu'il est très très bien. Elle vient de sortir un album, Léonie Pernet, un trio, c'est très très beau également. Ouais. Ouais. Et juste avant, c'était David Sicard qui sera en concert jeudi soir avec son Maloya Cabossé à l'Astrolabe. On vous y donne rendez-vous. On va continuer à décortiquer un petit peu la programmation. Alors, on parlait de fidélité tout à l'heure. Là, tu es vraiment très fidèle, et l'Astrolabe est très fidèle à ce groupe depuis des années. Il s'appelle Ezekiel. C'est pas que de la musique, mais en tout cas, ce sera le 29 avril. Ouais, alors c'est pas que de la musique, et qui plus est, sur ce dernier album, ils ont mis beaucoup plus de voix que d'habitude. Ils ont bossé avec un auteur de polar qui a découvert leur répertoire au moment où ils ont fait un album avec Int, un groupe qui n'existe plus, mais dont les musiciens font partie d'autres groupes et font encore des choses. Et ils avaient fait une création ensemble à l'initiative des Hurricanes, mais qu'on avait accueilli en résidence. Bref, cet auteur de polar a rencontré Ezekiel. Moi, pas rencontré Ezekiel, a découvert leur musique avec cette création, et après a pris du temps à découvrir le répertoire d'avant, le répertoire d'après. Et puis, il a envoyé de façon gratuite, innocemment, un bouquin, en fait, et puis avec une petite lettre d'accompagnement. Et il se trouve que les gens qui ont lu ce bouquin chez Ezekiel ont vraiment aimé cet auteur. Et puis, ils ont lu un deuxième bouquin. Et puis, ils ont lu un troisième bouquin. Et puis, à un moment, ils se sont rencontrés. Et puis, ils se sont dit, est-ce qu'on ferait quelque chose ensemble ? Donc, toi, t'écris un peu la narration de notre disque. Et puis, nous, on va la mettre en musique. Et ça s'est passé comme ça sur cet dernier album, d'où la présence de voix qui n'existait pas ou qui était samplée jusqu'à présent. Il y a quand même la voix de Nicolas, dont je ne connais plus le nom de famille, mais qui a été un des deux chanteurs de Naro Terrence. Pas celui qui a la voix à Tom Waits, mais l'autre, la voix plus claire. Il y a une femme... Celui qui boit moins. Ouais. Qui fume moins. Ouais, sûrement. Moi, je te le confirme. Et puis une femme dont j'oublie le prénom et son nom de famille, mais pareil, qui est associée et qui fait d'autres choses. Je crois qu'elle est comédienne aussi, par ailleurs. Et puis Ben Nero, qui est un Nantais qui vient d'immigrer dans l'Eure-et-Cher pour faire du vin, mais qui est encore musicien, qui figure dans des... Et qui tourne avec les musiciens d'Ezekiel. Il faut savoir que des musiciens d'Ezekiel restent plus que Johan Guillon, qui est un des fondateurs, puisque le bassiste s'est arrêté pour faire les visuels d'Ezekiel, et maintenant il fait plus les visuels, mais il bosse encore avec Johan, parce qu'il fait le bonheur dans toutes les capitales européennes, et pas que, de la projection vidéo sur du mapping et des choses très très belles, qui, avec tous les visuels que vous avez pu voir avec Ezekiel avant ce dernier album. Et Johan est associé à la musique, donc voilà, avec un ancien Lighto aussi qui est associé. Donc on quitte pas Ezekiel comme ça. Là, c'est vraiment place aux voix. On retrouve la trame d'Ezekiel qui mélange le rock, l'électro, des sonorités électroniques. Voilà, il y a quand même il y a quand même un trait commun avec les albums, même si c'est plus, il y a plus de voix, c'est plus chanté. Il y a des narrations. Voilà, moi j'aime bien ce groupe-là pour tout le parcours qu'il a eu, qui a commencé il y a très longtemps par de la fusion. Hein. Ils étaient plus proches de Fishbone que de groupe dub ou de groupe rock hypnotique. Et puis ils ont évolué au fil des années, toujours en présentant des concepts albums, des rencontres avec des artistes surprenants qui nous ont fait découvrir. En tout cas Johan reste le même, les autres j'y croise un peu moins, et puis on a la chance comme il y avait plus place à la voix, on y a associé Miroir Fumant, qui est un duo qui réunit Ayato, qui est un musicien qui fait partie du collectif Ashaka, qui fait des ciné-concerts, qui fait plein de choses à Orléans et pas que. Et Rome, qui est un chanteur, un écrivain, un auteur, et que j'ai découvert en résidence pendant le confinement, où j'ai vraiment accroché sur le parti pris qu'ils avaient eu sur ces moments-là, qui était différent des précédentes compositions. J'ai dit banco, on y va, on vous met en première partie. Donc c'est cool de les retrouver sur la grande salle. Ezekiel, c'est encore un peu de succès à Orléans. Et voilà, j'ai cru comprendre que... On ne sait pas s'ils vont continuer, parce que Johan m'expliquait qu'en fait c'était peut-être aussi les gens partaient d'Ezekiel et c'était plus les membres, et que pour lui peut-être que l'aventure avait terminé comme ça, on va voir, et que lui il a un projet solo plus musique électronique. Et puis il fait plein d'autres choses par ailleurs, donc lui il est productif, et puis son batteur aussi, le deuxième batteur. Donc on va voir s'il y a autre chose. En tout cas voilà, bien content de les retrouver. Comme tu disais, ça fait 4-5 fois qu'on les accueille à l'Astrolabe, voire plus. Ouais. Alors vous vous en doutez, Mathieu l'a dit, mais Ezekiel c'est dans la grande salle. Hein. C'est pas le genre de musique qu'on fait dans un petit endroit. C'est non, un non, peu, non, un non, peu non. d'ampleur quand même. Non, ouais, il y a encore des Orléanais, des Orléanaises, et puis voir des gens d'autour l'Orient qui aiment bien encore Ezekiel. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils font de la musique, je pense. Vendredi 29 avril, donc, je prends un peu un contre-pied. J'avais envie d'un morceau live. Je suis allé dénicher une petite archive. C'est Léopoldine en live par Ezekiel. Et puis juste après, je ne vous dis pas, attendez l'oreille, puisqu'on enchaîne avec une petite nouveauté à chaque fois, les morceaux qui nous racontent la programmation de l'Astrolabe. Dans notre grande série, on explore des formes et on y va à fond. Il y a d'abord eu Ezekiel avec Léopoldine et un petit souvenir. Et puis, à l'instant, c'était une nouveauté avec The Smile, le nouveau groupe de des membres de Radiohead, en gros, pour faire court. Tom York, le chanteur, et le guitariste Greenwood, qui se sont donc accoquinés sous un autre nom, peut-être pour évacuer un peu la pression et pour pouvoir se donner un peu de l'air. Et chaque morceau qui sort est un peu différent des précédents. Celui-là sonne quand même comme du Radiohead deuxième période. Mais voilà, groupe qui... Je suis pressé de voir l'album, ce que ça va donner. Ils seront en concert au mois de juin en France. Ouais, ils ont, je crois qu'ils vont à un concert à Charleville-Mézières, là, qui est un gros festival qui s'appelle le Cabaret quelque chose, qui est une très belle prog d'ailleurs, ils s'en sortent toujours assez bien. Ouais. Et puis c'est possible qu'il y ait d'autres dates ailleurs en France. Après, c'est un gros truc, donc généralement il y a quelques exclus qui traînent autour de ces festivals-là. Eh oui. Voilà. Donc pas à l'astro ça, The Smile. Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, voilà quelque chose et quelqu'un et un groupe qui passera à l'Astrolab, ce sera le samedi 14 mai, on va faire un petit saut dans le temps. Son leader était là, à ce micro, pour le Fleuve Festival, il y a quelques mois de cela. C'est Av The Moskovic, groupe orléanais, avec qui ont dégoté un bassiste de luxe depuis peu. Ouais, ils ont dégoté un bassiste de luxe qui est Mathieu Malon. Après, ça reste la même formation. C'est juste le bassiste qui a été remplacé. Avec des nouvelles compos, avec des... Et puis, ça faisait quelque temps qu'on les avait pas eus à l'Astro. Ils avaient fait un concert, cet été, là. Pendant quand nous, on organisait un concert à la guinguette, là, à la sardine. À la sardine. Ouais, il y avait en même temps une proposition de l'Astro là-bas, et puis Av The Moskovic qui jouait avec, c'était, je sais plus avec quel cadre. Peut-être avec Fleuve d'ailleurs, ou un autre truc. Bon, bref. Et, Fleuve, ils étaient au 108, ils étaient passés au 108. Ouais, c'est ça. Ouais. Et nous, on les fait jouer avec Bruit, qui est un groupe toulousain qui vient de sortir son premier album, qui est post-rock, mais un peu plus métallique que nos amis de Av The Moskovic. Et voilà, plateau découverte pour les Orléanais qui connaissent pas Av Moskovic, je vous assure, il y a un violon, il y a un chanteur, il y a des crescendo, bassiste, guitariste et puis batteur, et puis un deuxième, le chanteur est aussi guitariste à la fois. Et puis voilà, moi j'aime bien les deux trois albums qu'ils ont pu faire. Papier Vinyle est le dernier en date, je crois. Et un peu cinématographique, un peu cette musique-là. Parfois, il y a même des projections, ou pas. Et c'est un groupe de musique qui prend son, voilà, qui fait ses albums les uns après les autres, sans envie d'en vivre. Et puis, mais en faisant les concerts qu'ils apprécient. Mais du coup, pas de concession. Ouais, voilà. Et j'ai toujours vu des bons concerts. Et c'est marrant, on a écouté Ezekiel parce qu'ils ont déjà fait la première partie d'Ezekiel. À l'époque, je me demande s'il n'y avait pas une danseuse encore avec eux, qui a quitté le groupe qui a quitté Orléans. Et Bruit, qui est pareil, qui vient en formation à 4, mais qui peut venir avec aussi, qui vient de faire une création là, au Rødburn Festival. Je crois que c'est en Norvège, que c'était la semaine dernière, où ils associaient 4 cobres. Voilà. Et moi, c'est un groupe qui m'a vraiment touché à la fois sur la musique que j'écoutais sur leur premier album, et puis à la fois des vidéos qui traînent dans des églises désacralisées là où ils jouent tous ensemble, qui sont très très belles, et puis le son est magnifique. Et par ailleurs, ces musiciens là qui composent Bruit, ils sont aussi c'est un petit clin d'œil, mais ils sont toulousains et musiciens pour certains de Big Flo et Oli, qui a rien ouais. à voir ouais, ouais. Mais rien n'est incompatible, la preuve. Ils se retrouvent signés par un super label à l'échelon du territoire européen, repéré par un agent qui est en train de leur trouver des dates improbables, Bruit, pour tous les groupes qui sortent leur premier album et aimeraient avoir ce succès, ou en tout cas pour ceux qui veulent en vivre. Et voilà, donc c'est deux groupes que j'aime beaucoup, Av Moskovic et puis nos amis de Bruit toulousain. Alors, Av The Moskovic, c'est maintenant avec Ultra Radio Transponder, et ça sera le 14 mai à l'Astro. Thank you. tall and softish. 40 dollars in my pocket. When life gives you a lemon, cut a hole in it, smoke some resin. I don't think that this is working. I don't think that this is working. Yeah, I don't think that this is working. Dans The Rock ce soir avec le Californien Christian Lee Hudson qui vient de sortir son quatrième album solo. Voilà, c'est toujours, ça peut se rapprocher un peu de, comment on pourrait qualifier ça, enfin, en tout cas, chanteur de Hills un petit peu. Ouais, un petit peu, ça peut faire penser à Hills. C'était State Bird un instant et juste avant c'était les Orléanais de Have the Moscovic avec Ultra Radio Transponder. Ils seront le 14 mai prochain à l'Astrolabe. On va continuer avec une date. Alors Cannibal Ox, c'est non. Ouais, ils viennent pas du tout en tournée européenne. Voilà. Tout est annulé. Bien. Ça, donc, ça avait lieu le 19 mai. Donc le 19 mai, vous pouvez aller à la piscine. Le jeudi 2 juin, à l'Astrolabe, eux, je les attends de pied ferme, puisque ça fait partie de mes groupes favoris quand même. N'ayons pas peur des mots, Nada Surf reviennent. Fidélité aussi, puisqu'ils sont déjà venus jouer par chez nous. À l'Astrolabe, au jour J. La dernière fois, je crois que c'était au jour J. Et donc, bah voilà, le trio est devenu Quatuor. Mathieu, le chanteur, a les cheveux blancs désormais, alors que Mathieu Dufaux a toujours le cheveu noir corbeau. C'est pour vous dire si... Ouais, ça c'est toute la teinture que je mets. C'est litres de teinture. C'est des frais. Donc jeudi 2 juin, ils reviennent. Et en tout cas, Daniel a toujours la dread sautillante. Mmh. Et ils reviennent avec... quand on écoute les albums de Nada Surf, on se dit toujours, bah, ça ressemble vraiment, ils sont fidèles à leur son, ils le font très bien, cette musique un peu, qui vient un petit peu des 60s, on va dire, et puis ils le font vraiment super bien, et quand on réécoute les premiers albums, après avoir écouté les derniers albums, on dit, mais quelle évolution quand même. Donc ils évoluent d'album en album, j'ai eu la chance de les interviewer 3 fois déjà, à des moments très très différents de leur carrière, donc j'espère qu'il y aura cette 4e fois le 2 juin, en plus ils parlent français, ça m'évite de me creuser les méninges en anglais, et bah, ça va être un bon moment, ça repousser maintes fois aussi. Ouais, ça date de longtemps. Bah, il y a eu des concerts qui ont pu être repoussés, puis c'est des concerts qui nous tenaient à cœur, hein, comme le concert qui s'est déroulé samedi dernier avec Russian Circle, où je n'étais pas, mais c'est un concert qui datait de mars 2020. Oui. Voilà. Et les gens ont encore pensé qu'ils avaient pris une place ou qu'ils, voilà, bref, c'est toujours confus dans ces moments-là. Et Nada Surf, bah, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, mais on n'est jamais toujours content de les accueillir pour les raisons que tu viens d'énumérer. C'est des gens, accessoirement, mais qui sont quand même bien sympathiques. Très sympathiques. Avec qui on a des bons contacts. Donc voilà, c'est une date, jeudi 2 juin, qui va faire plaisir à pas mal, et y compris moi. Y compris moi. Donc si vous aimez Big Star, les harmonies vocales, les guitares et en même temps la finesse, bah, n'hésitez pas. Vraiment, c'est du feel good music comme on dit. C'est vraiment un groupe à part. Ils avaient produit leur album Let Go en 2002 à une époque où ils étaient un peu au fond du trou. Ils l'avaient payé qu'avec des billets de 1 et de 5 dollars. L'intégralité de l'album et tout venait du merchandising de la tournée précédente. Donc voilà, ils ont tout payé en liquide. Voilà, c'est vraiment des gens de grande qualité musicale et humaine, donc je suis assez heureux de retendre le micro. Ce sera le 2 juin, on va se passer un de leurs derniers morceaux qui s'appelle Between the Wars et qui sonne un peu bizarrement quand on l'écoute aujourd'hui, mon cher Mathieu. be gone, and she's been long gone for 2 years. I'm back to basics, a new pair of Asics, running again, waiting for the time to be right. New face in my life, I'm ready. Just say the words, I'll give you the word, it's time to hurt. Bizarre de terminer un morceau. En tout cas, c'était une nouveauté Lost on Purpose, un mi-chemin entre Nada Surf et Sujvan Stevens. Comme quoi, on a besoin que de 3 accords pour faire du rock'n'roll, un petit crescendo et hop, les petits violons s'est emballé. Best Time of My Life. Et juste avant, c'était Nada Surf qui sera en concert donc à l'Astrolabe. Ce sera le 2 juin prochain avec Between the Wars. On va changer complètement de style avec un concert qui aura lieu le 3 juin et c'est Raja Mezian. Oui, c'est Raja Mezian. Alors ça, c'est un concert qui n'est pas à notre initiative, qui a l'initiative d'une asso qui s'appelle l'ASLA, qui est née un peu qui est née pour promouvoir la culture algérienne, qu'elle soit écrite, orale, à travers le cinéma, la poésie, la musique, qui défend la laïcité aussi dans ce cadre-là et qui est venue nous solliciter. Il voulait faire ça dans le cadre du mouvement de l'Irak, qui est un H-I-R-A-K, qui est un mouvement qui a regroupé des jeunes et moins jeunes algériens et qui sont mobilisés contre l'intégrisme pratiqué en Algérie et puis plutôt un mouvement œcuménique vraiment pour promouvoir la laïcité et puis des idées en Algérie sans parti pris autre que ce parti pris-là, mais qui en est déjà un, mais voilà. Et pour le coup, ils ont défendu ça et ça n'a pas pu se faire à cause du confinement. Ça va être encore le cas pendant quelques temps, mais et donc on les accueille avec plaisir. Ils ont sollicité une artiste qui s'appelle Raja Mezian, effectivement, qui est une artiste algérienne qui vit à Prague depuis quelques années, qui s'est exilée d'Algérie parce que elle a dit ce qu'elle pensait haut et fort à travers son hip-hop. C'est une femme qui fait du hip-hop associée à un DJ qui est assez militante. Alors il faudrait effectivement, alors j'ai eu le droit à quelques traductions de morceaux par un des porteurs de l'association, je crois le président. Donc effectivement, elle se mobilise, elle est plutôt ça rentre dans le chou. Ça rentre dans le chou, mais avec finesse quand même, ouais. mais suffisamment pour aller voir ailleurs pour composer, parce que ça peut lui plaire à tous les gens là-bas. Mmh. Et elle continue son bonhomme de chemin, toujours avec cet appétit de parler de la situation en Algérie et puis d'avoir des témoignages, je pense, qui alimentent un peu ces chansons. Elle viendra défendre sa musique grâce à cet asso. Alors c'est l'assaut qui m'a fait découvrir cet artiste, Simon. On a parlé longuement ensemble de ce qui les animait, et je trouvais ça bien de pouvoir recevoir cette association. On a découvert, on n'a pas découvert, mais on a fait un groupe algérien de blues touareg qui était pas au Mali, mais qui s'appelle Imaran, il y a pas très longtemps. Mais très bel album. Avec un très bel album, avec un très beau concert dans lequel que moi j'ai eu les retours très vraiment magnifiques sur ce concert-là. Donc voilà, ils nous ont rendu, ça a permis aussi d'accéder à leur public grâce à ce concert-là, ce qui était plutôt chouette, un mélange de publics qui était assez mixte et qui permettait de rendre accessible cette musique. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cet artiste et puis de voir à la fois les amateurs de hip-hop présents, parce qu'elle fait de la très très bonne musique, et puis à la fois tous les gens qui suivent les propositions de l'association ASLA, à travers le cinéma Les Carmes, la librairie des temps modernes, tous ces endroits-là qui accueillent avec bras ouverts ce genre d'assaut, quoi. Ce sera le lendemain de Nadassor, ce sera le vendredi 3 juin, et c'est un mélange qu'on va entendre de hip-hop et de R&B. Ouais, c'est ça. C'est une jeune femme, donc elle est sur des choses qui parlent à tous les amateurs du genre et les amatrices du genre. Hein. C'est hip-hop R&B avec des petits sons électro. C'est super vivant. Et l'algérien pour le rap, ça sonne très bien. Et voilà. Ça s'appelle Mabella. Je crois que c'est une chanson pour sa maman. Je crois. Champignon. Oh, ma bella, ti capitale in ti li do. Qulti zahri marhamnish, qulti sbor ma sbornish, qulti dinya ma fahmtnish. Kifash nkbar had sghar, kifash nwqf had dar, kifash ihlali had lmrar. Shda f Allah, dmoug ghali n dinya dunya. Tdhak li li yezdem tzdem fi moul nia. تلعب عليك دور القاضي في مسرحية حكم الإعدام يكون في جلسة علانية صفق الجمهور وصل عليك الغيابية واحد ما جاك وقلبالك ما زالك حية تفينتك كانت بتصويت الأغلبية كيفات عوام حياتك بقت غير فارادية هاد السيناريو اللي تتبع عليك الدنيا كانت نوضي تنفضي الغبار تعطيك تحية بنوضة الباسي يبقى نوستالجيا غير ما ترونديش عقلية دونا فيكتوريا عصر الوسواس معيشة دنكة وزاد عليها كلام الناس عينيهم تذبح ولساناتهم قاع مواس وما بلا علي الراس وما بلا جرح الباسي غير وسواس وما بلا علي الراس وما بلا جرح الماضي غير وسواس وما بلا كوسا وما شوبيان Capitale di Lidl. Oh, ma alentirido. Jamaisian dans The Rocks, que vous pourrez applaudir à l'Astrolabe le 3 juin et à l'instant tiré du dernier album qui vient juste de sortir, celui de Mélissa Lavo, que vous avez pu applaudir à l'Astrolabe il y a quelques années de cela. Oui. Je perds un peu la notion du temps. C'était Papessa, tiré de son dernier album. Toujours moins rock et un peu plus produit chaloupé, mais toujours cette voix assez exceptionnelle. Et c'était un beau concert à l'Astrolabe. Ouais. C'était dans la grande salle, ouais. C'était 2018, je pense. Ouais. Ouais. Ou 2019, je sais plus. J'étais encore dans la quarantaine. L'heure tourne, mon cher Mathieu. Je vais te laisser le choix final de deux morceaux enchaînés. Alors, soit ça va être Life qui sera en concert le 29 septembre. On pourrait se passer Never Love Again. Soit ce sera Orchestre Baobab avec Papin Endai qui sera en concert eux le 21 octobre. Orchestre Baobab. On aura l'occasion de reparler de Life. J'aurais dit pareil. Orchestre Baobab, groupe sénégalais qui fête ses 50 ans, dont la majeure partie est encore autour de ce groupe-là. Certains, le guitariste et puis un des chanteurs, mais lui il est parti il y a très longtemps, succédé par un autre chanteur qui est un peu voilà, qui est là depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Guitariste qui faisait un peu le son de Orchestre Baobab, il nous a quitté l'été dernier. C'est un groupe que je suis depuis je sais plus une vingtaine d'années. Ce groupe est né dans une discothèque à Dakar puisqu'il fallait produire. À un moment ils sont réunis pour produire des compositions, mais sans savoir qu'ils allaient en faire un groupe et qu'ils allaient se retrouver 50 ans après ou 40 ans après ou 35 ans après pour jouer et puis pour sillonner le monde entier, puisque l'un et l'autre ils ont tous eu des carrières qui ont rien à voir avec la musique pour la plupart, puisqu'ils ont fait ils ont joué pendant quelques années, une quinzaine d'années à travers, déjà en ayant une carrière internationale, puis après ils ont posé leurs valises pour arrêter leur groupe et puis pour faire ce qu'ils avaient à faire respectivement. Et puis il y a un producteur comme ils ont fait avec les Cubains qui a ressorti des vieilles bandes et qui a remasterisé tout ça, et ils ont deux albums très très bien, d'autres depuis, mais qui comme ça que je les ai découverts. Je les ai découverts dans une salle parisienne il y a 15-20 ans. Et ça fait 20 ans que j'essaye de les faire, voilà. Je suis content de les accueillir. C'est vraiment un des groupes phares de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Mais moi, c'est un groupe qui est les racines de l'Afrique de l'Ouest, mais qui peut mélanger du bento, peut mélanger plein de choses qui viennent aussi d'Amérique du Sud, avec des très très belles voix. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire que d'aller et de venir au concert. Ça aura lieu au mois d'octobre, puisque ça a été reporté cette date également. Il y aura la classe internationale aussi, qui sont des gens passionnés de musique et musique d'Afrique de l'Ouest, d'Amérique du Sud, de plein d'endroits différents, à qui je fais confiance régulièrement pour nous ouvrir les oreilles avec plein d'artistes qu'on connaît pas, sur le continent africain d'ailleurs. Et puis peut-être une première partie, on va voir. Mais voilà, c'est vraiment un concert qui me tient à cœur, que j'avais envie de faire, et puis je suis content d'accueillir, de prendre du plaisir. Je serai au premier rang, je pense. Ouais, bien content aussi. Ouais. Voilà. Ça sera donc le 21 octobre pour réchauffer votre automne. Pep Endai, on va se passer le morceau, enchaîné avec la nouveauté d'un artiste ghanéen qui s'appelle KOG. Je sais pas si tu connais ça. Non. Ça s'appelle Adakatia. Et puis j'ai vu que l'affiche de Pop-Up était sortie. Ouais. Ça y est. Ouais. Il y aura des noms sous cette affiche. Non, pas avant le début juin. Il y aura, mais c'est toujours Olivier Morvan qui a fait cette affiche. Il a un nom qui s'appelle Agent Liquide aussi, son nom d'artiste. Donc voilà, vous allez pouvoir prendre vos early birds pour ceux qui, c'est-à-dire des, pour ceux qui connaissent pas les early birds, c'est tout simplement des prix défiant toute concurrence qui sont pour les deux jours, qui sont en offre limitée, mais dès mercredi, et puis après, ça sera les places au tarif normal, soit passe deux jours, soit passe un jour, et là, vous aurez découvert la programmation début juin. D'accord, même concept, même lieu. On rajoute un quatrième lieu, on rajoute un lieu qui existait pendant jusqu'à 2019, jusqu'à avant le Covid, et qui s'appelle le Théâtre d'Orléans, qu'on va utiliser à trois reprises d'ailleurs, parce qu'il y a la salle Jean-Louis Barrault dont on utilise le plateau uniquement. Les gens, rappelons-le, rentrent par l'accès décor, donc qui a jamais les gens, le public peuvent entrer par cet accès décor. Il y a un rideau de fer qui est descendu devant les 600 places assises, normalement. Vous serez debout sur un plateau. Et normalement, c'est les comédiens, les danseurs, les danseuses qui s'y retrouvent. Et on a de quoi accueillir 400 personnes, un petit bar, de quoi manger à l'extérieur, dans la cour technique. Et puis, une création qu'on accueillera à la salle Antoine Vitesse, là, en mode... en mode debout également sur le plateau, mais avec un plateau qui sera avancé, qui sera voilà, et on sera immergé dans la musique, qui est une création qui rassemble des artistes régionaux et pas que. Donc Lionel Lacarrière qui jouait dans Gézir, dans Yann Tiersen et dans ESB. Johan Dézéchiel, qui est le fondateur dont on a parlé tout à l'heure, Ben Nero, qui joue aussi avec notre ami Johan Dézéchiel sur le dernier album Dézéchiel, et puis Boriers, qui est le chanteur de Boriers, qui lui est anglais et qui ça fait un an et demi qu'il essaye de venir en France quand il a des fenêtres de tir entre des frontières ouvertes ou fermées. Et derrière ça, il y aura Steven au son, à la création sonore. Et ces artistes seront rassemblés autour d'une cabine téléphonique qu'on a accueillie au Pop-Up en 2019, grâce à des échanges qu'on fait avec la Nouvelle-Orléans. Voilà, donc ces musiques autour de cette cabine. Cette cabine va servir d'instrument, bien évidemment. On peut y rentrer des instruments, on peut s'en servir, on peut faire des samples, on peut utiliser... Il y a une cabine Leslie qui joue aussi le rôle de haut-parleur au sommet de la cabine. Donc l'album va sortir fin août chez Figure Libre Records, sorti en vinyle, deux vinyles et un CD, qui sera distribué par l'autre distribution, donc ça vous laissera le temps de découvrir tout ça. J'ai écouté quelques morceaux, pas l'album en entier. Sous quel nom alors du coup ? Transmission. Transmission. Ouais. Et voilà, donc ça c'est une autre utilisation du théâtre. Et puis la troisième, qui sera le plateau Pierre-Aimé Touchard également, qui sera accessible par la cour dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, on pourra découvrir des showcases d'une radio amie locale qui s'appelle Radio Campus Orléans, qui programme avec d'autres radios slovènes, allemandes et puis italiennes, quatre groupes de nationalités différentes de ces trois pays-là, plus français. Et avec tous les animateurs, animatrices qui font venir de ces pays pour se rencontrer, pour couvrir le festival, pour etc., etc. J'ai réussi à lui soutirer quelques noms quand même, ça n'a pas été facile. Hein. Ouais. Orchestra Baobab en tout cas, ça ne sera pas au Pop-Up, ce sera après au Pop-Up. Ouais. Ce sera le 21 octobre et puis eh bien, voilà, je vous reparlerai évidemment de la programmation de Pop-Up. Nous salivons déjà en attendant le mois de juin. Merci beaucoup Monsieur Dufaux. Merci, à bientôt. Ce fut un plaisir. Allez vous reposer, monsieur. Merci. Pape Ndiaye, donc c'est dans The Rocks. Je vous retrouve la semaine prochaine, 19h, 20h30 dans The Rocks. Portez-vous bien. Ciao. falls on the rich and the poor. So it's important to be nice, because we are living to die. Adakatia. Bayo fukotia vukoi. Uwa mfatia nebewa. Oda ya usumo biandem. Uwa mponche nebedemu. Come on to the coast, a potent divinage, sick and ibienum, numa. Antibra was you, maybe I say, young Vicky, young Bunny, young Vicky, and so, oh, mini, I got the ass in you. Bobia, for Bobia, no be any baby of the shine, the poor flower. Obi to me shine, the poor one of her. Then so I never know why I did that. A bear dear Boa. Raja Pedra to Abama. Is he gonna buy a buyer? Is he gonna buy a buyer? And buy a no baby. We were once like you. Someday you be like us. The signboard on the motri board say, I got the ass in me.